Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui dans la chronique, je vous parle du langage et de trois décennies d'expérience visant à trouver une langue commune avec nos plus proches cousins, chimpanzés, bonobos, gorilles et orang-outans. J'aurai ensuite la chance de recevoir Marie Bourjade, docteur en éthologie, maître de conférence en psychologie au sein de l'UMR CLLE, Cognition, Langue, Langage, Ergonomie de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Elle vient aujourd'hui nous parler de communication et d'origine évolutive du langage chez les primates. Bonjour Marie et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. En quoi l'être humain est-il un animal différent des autres ? Cette simple question agite les scientifiques depuis des siècles et continue d'attiser le feu de la curiosité et des polémiques. Le propre de l'homme, brandi à de nombreuses reprises, a déjà reçu quelques sérieux coups dans l'aile. Les grands singes et les rats rigolent, les milans australiens utilisent des branches enflammées pour chasser, d'autres animaux font preuve d'empathie et poulpes, corneilles calédoniennes et autres cacatoès savent fabriquer et utiliser des outils. Seul le langage articulé semble rester une prérogative humaine. C'est en tout cas ce qu'affirme le célèbre linguiste américain Noam Chomsky. Aux États-Unis, dès le début des années 1950, des scientifiques en psychologie et en primatologie ont cherché l'origine du langage chez nos plus proches cousins, persuadés que leur proximité génétique révélerait sans doute les bases de notre communication verbale articulée si particulière. La toute première expérience en la matière est celle menée par Keith et Catherine Hayes, tous deux chercheurs au laboratoire de Yerkes à Atlanta, avec Vicky, une jeune femelle chimpanzée adoptée à 3 jours et élevée comme un enfant humain. L'idée de départ était surtout d'utiliser l'enculturation, le fait que l'animal soit immergé dans une famille humaine pour voir émerger des capacités langagières. Vicky est baignée et peignée tous les jours, elle apprend à manger à table avec une cuillère, porte des vêtements et va même sur le pot. Plus tard, à 16 mois, elle imite Cathy Ice, verse le café, se lime les ongles et se met du rouge à lèvres. Les deux scientifiques décrivent dans un article paru en 1952 dans le Journal of Comparative and Physiological Psychology les capacités d'imitation de Vicky qu'ils comparent à celles d'un enfant humain âgé de 3 ans. Mais en matière de langage, Vicky n'apprendra que 4 mots en tout et pour tout. Mama, papa, up qui veut dire en haut et cup, la tasse. Malgré des séances d'entraînement où les chercheurs apprennent à Vicky à bouger ses lèvres et sa mâchoire comme un humain, ils constatent que les singes n'ont pas la capacité physique de produire des mots. La faute à un larynx disposé beaucoup plus haut que celui d'Homo sapiens, ce qui cantonne nos plus proches cousins à d'autres types d'échanges vocaux. Puisque les chimpanzés semblent anatomiquement incapables de parler, un autre projet novateur voit le jour en 1966, mené par un nouveau couple de chercheurs, Allen et Beatrix Garner de l'Université du Nevada. Ils adoptent une jeune femelle chimpanzée capturée en nature, appelée Washoe, alors âgée de 10 mois, et initialement recrutée pour un programme de la NASA. Les Gardner décident de lui apprendre l'ASL, la langue des signes américaine, alors qu'elle vit avec eux en immersion totale dans leur mobilhome, sans aucune communication vocale. Washoe apprend 132 signes au cours de sa vie. Elle peut nommer les objets, les demander, et caractériser des relations conceptuelles comme plus gros, plus petit, au-dessus et en dessous, pareil ou différent. Les Gardner décrivent dans un article publié en 1975 dans le Journal of Experimental Psychology General sa façon de répondre aux questions de type « quand »,« quoi », »,« où » et observent que ses réponses sont comparables à celles d'un enfant humain. Ils concluent que Washoe utilise ses mots de vocabulaire comme des composants de phrases. En 1970, quand Washoe a 5 ans, le couple se consacre à d'autres travaux et la jeune chimpanzée est confiée à un couple de collaborateurs, Roger et Deborah Foots, à l'Université Central Washington à Ellensburg. Elle vit avec plusieurs autres chimpanzés, dont Lulis, un jeune chimpanzé mâle que Washoe élève comme son fils. Il n'est pas éduqué par les humains comme elle, mais par les autres chimpanzés. Lulis apprendra 5 signes en imitant Washoe au bout de 8 jours seulement. Ce succès incite d'autres scientifiques à étendre cette technique d'apprentissage de la langue des signes auprès d'autres grands singes. Ainsi, l'anthropologue Lynn Miles enseigne à Chantek, un bébé orang-outan mâle né en 1970, l'ASL. Il commence sa formation à 9 mois et sera totalement immergé dans un environnement humain où tout le monde signe. Il apprend lui aussi plusieurs centaines de signes d'ASL, mais aussi d'anglais parlé. Et il a même pu créer ses propres mots, comme « I drink », l'association du mot « œil » et « boisson » pour désigner le liquide utilisé pour les lentilles de contact. L'autre grand singe le plus célèbre capable d'utiliser la langue des signes est la femelle gorille appelée Coco, née en 1971 au zoo de San Francisco. Dès 1972, elle intègre le projet de la chercheuse Francine Patterson pour étudier la communication interespèces. Dans un article publié avec son collègue Ronald Cohn en 1990 dans le journal Word, la chercheuse résume les 10 premières années d'acquisition de vocabulaire chez Coco. Les expériences sont menées en public et elle reçoit 10 à 20 heures de cours chaque semaine. Après son déménagement à l'université de Stanford, alors qu'elle a 3 ans, elle reçoit 8h30 de plus par jour. Elle apprend 3 signes durant le premier mois des expériences. Ses professeurs lui apprennent à signer en modifiant la position de ses doigts à elle pour créer les signes et en la laissant les imiter directement. À 5 ans, Coco a un compagnon, Michael, un jeune gorille de 2 ans. Tous deux communiquent entre eux en utilisant les signes. Au cours de sa vie, Coco apprend plus de 1000 mots, dont 500 sont des signes de l'ASL. Patterson parle plutôt de GSL, de Gorilla Sign Language, pour faire référence aux innovations de Coco. Elle comprend aussi près de 200 mots d'anglais parlé. Et Coco s'est aussi rendue célèbre pour sa relation avec des chatons. En juillet 1984, elle adopte un chaton qu'elle appelle All Ball, mais celui-ci sort du centre en décembre de la même année et meurt renversé par une voiture. Quand la chercheuse signe la nouvelle à Coco, Coco signe en réponse Bad, Sad, Bad, Mauvais, Triste, Mauvais, puis Frown, Cry, Sad and Trouble. Froncement de sourcils, pleurs, triste, problème. Ce qui laisse pensif sur ses émotions et son ressenti à ce moment précis, au-delà de ses capacités langagières. L'apprentissage de la langue des signes chez les grands singes semble donc être un succès. Jusqu'au projet NIM, mené par Herbert Terrace de l'Université de Columbia en 1979. Nim Chomsky, alias Nim, baptisé ainsi comme une blague à Noam Chomsky, complètement opposé à ses recherches sur les grands singes, est un jeune chimpanzé mâle. Comme Washoe, Nim est élevé comme un enfant et il apprend à signer même s'il est loin d'égaler les performances de cette dernière. Après plusieurs années de recherche, le scientifique déchante complètement. Terrace observe que dans 90% des cas, Nim n'initie pas l'échange et signe surtout en réponse à ses professeurs. Et il les interrompt comme un jeune enfant qui apprend à parler et ne respecte pas encore les tours de parole. Il signe en dernier recours et préfère se saisir des objets plutôt que de les nommer. Nim a aussi tendance à répéter des mots comme quand ce n'est pas utile, comme dans l'exemple « donne, orange, moi, donne, manger, orange, moi, manger, orange, donne, moi, manger, orange, donne, moi, toi ». Terrace décrète que ni Nim ni aucun singe n'a donc pu acquérir la moindre base de langage. Il compare ses résultats au cas d'Hans le Malin, un célèbre cheval du début du XXe siècle que l'on pensait capable de compter, mais qui, en vérité, captait les infimes mouvements de son auditoire pour savoir combien de fois taper le sol de son sabot et donner le chiffre attendu. Il accuse aussi les chercheurs et chercheuses de surinterpréter les productions signées de leurs sujets, des signes parfois formés de manière maladroite par les singes du fait de la mobilité plus restreinte de leurs poignets et de leurs doigts. Selon lui, ces résultats enthousiasmants seraient biaisés et le fait de parents qui applaudiraient leurs enfants en toute occasion. Même si les déclarations de Terrace déchaînent une tempête au sein de la communauté, elles ne mettent pas fin à ces recherches pour autant, car d'autres alternatives que la langue des signes sont envisagées pour communiquer avec nos plus proches cousins. En 1968, David Premack débute un nouveau projet avec une femelle chimpanzée appelée Sarah. Il crée un ensemble de symboles uniques, composés de formes en plastique montées sur des bases métalliques. Chaque forme est unique et abstraite et n'évoque en rien le mot ou le concept qui y est associé. Par exemple, le symbole pour représenter la pomme est un triangle bleu, ce qui, vous en conviendrez, est plutôt éloigné de l'aspect d'une pomme véritable. Le chercheur s'intéresse à la syntaxe, à la façon dont les mots sont agencés entre eux. Sarah a donc appris à former des phrases en posant à la suite et de manière verticale plusieurs de ces symboles sur un tableau aimanté. À 7 ans, Sarah a un vocabulaire de 120 mots qui inclut le nom de ses professeurs, des objets et des couleurs. La dernière étape de ce voyage en quête de la compréhension du langage passe par une nouvelle invention, celle des lexigrammes. En 1971, Duane Drumbo lance le projet LANA pour Language Analog Project et il apprend pour la première fois à la femelle chimpanzée, LANA, puis à deux autres animaux, Austin et Sherman, à utiliser ce nouveau mode de communication. les lexigrammes nécessitent un clavier et un ordinateur. Sur ce clavier se trouve un ensemble de symboles colorés qui font référence à des mots ou des concepts. Le langage artificiel créé via ces lexigrammes est appelé le Yerkish, en l'honneur de Robert Yerkes, le fondateur du laboratoire. Le clavier permet de nommer près de 400 mots. Mais la vraie superstar en matière de lexigramme est un bonobo, le mâle Kenzie, qui a été étudié par la psychologue Sue Savage-Rumbaugh. Kenzie a marqué l'histoire car il a appris à utiliser ses premiers lexigrammes, non pas en étant élevé comme un humain, mais en imitant sa mère adoptive, Matata, qui suivait le programme avec les chercheurs. Il est donc le premier cas documenté de grand singe qui a appris spontanément à acquérir des mots sans entraînement, du moins au début du projet. On estime qu'il connaît aujourd'hui plus de 1000 mots. Ces 30 ans d'études du langage chez les grands singes peuvent nous laisser perplexes. Que démontrent-elles réellement et à quel prix? On peut justement s'interroger sur les conséquences que ces expériences ont pu avoir sur la psychologie de ces animaux socialisés au sein de familles humaines qui ont souvent dû se séparer d'eux. Et est-ce vraiment l'apprentissage du langage la plus grande découverte de ces expérimentations? Après tout, ces études ont permis de mettre en lumière d'autres capacités cognitives sous-jacentes, sans doute encore plus révélatrices de leur intelligence et que l'on pensait longtemps uniquement humaines. Vicky a su imiter l'être humain à la perfection, Coco est le seul gorille à avoir passé le test du miroir, puisque sans les codes sociaux de ses congénères qui considèrent un regard direct comme un défi, elle a pu regarder son reflet sans ciller. Et Sarah a contribué à la publication de l'article révolutionnaire de David Premark et Guy Woodcroft, sorti en 1978, qui démontre l'existence de la théorie de l'esprit chez les chimpanzés, cette capacité cognitive complexe qui permet de se mettre à la place des autres. Et si plutôt que de vouloir les faire parler à tout prix et de nous singer, on leur posait simplement les bonnes questions, pour simplement chercher à les comprendre eux? On aurait sans doute tout à y gagner. Parole de singe. Revoici avec notre invitée Marie Bourjade, docteur en éthologie, maître de conférences en psychologie au sein de l'UMR Cognition, Langue, Langage, Ergonomie de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Elle vient nous présenter ses travaux sur la communication et l'origine du langage chez les primates. Alors, commençons par le commencement. Quand on parle de communication, à quoi fait-on réellement référence? C'est la position, la posture, la voix? Qu'est-ce que ça englobe? Eh bien, en fait, un peu tout ça. Justement. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur le sujet, en fait, en fonction de qui va s'intéresser à la communication, quel chercheur, quelle discipline scientifique. On ne va pas le définir de la même manière. Donc, je vais plutôt vous donner, du coup, un petit peu la définition avec laquelle je travaille. Et donc, venant de l'éthologie, je fais une distinction, en fait, entre ce qui est interaction sociale et ce qui est communication. D'accord. Et ce n'est pas le cas des recherches sur l'humain. On y reviendra plus tard. Et donc, en éthologie, en fait, on étudie la communication comme un échange de signaux entre D'accord. deux individus de même espèce. Du coup, qui sont à la fois du coup capables d'encoder, de décoder ces signaux et d'ajuster leur comportement à ces moyens de communication. Et c'est pas si facile que ça à mettre en évidence avec les animaux. Et en fait, on a de plus en plus de. En fait, on peut étudier différentes formes de communication, hein, bien sûr. Et c'est vous pouvez avoir du coup différentes manières de mettre en évidence des signaux de communication qui sont toujours une des formes d'interaction, mais qui laissent une part. Au destinataire pour décoder le signal et agir. Ce qui n'est pas le cas d'une interaction directe, par exemple, où si je vous pousse, là, vous n'avez pas, pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Voilà, vous n'avez pas de réponse à donner. Mais donc, il y a toujours cette idée d'information. Quand il y a communication, il y a un animal qui va donner une information à un autre, ou pas forcément. C'est un des paradigmes de l'étude de la communication, ouais. Hein, qui repose sur la théorie de l'information. C'est pas le seul qui existe. D'accord. Et en fait, on n'est pas dans la tête des animaux pour savoir si eux le perçoivent comme tel. En tout cas, c'est un outil pour les chercheurs qui est très efficace. Pour nous faire des catégories. Exactement. Quoi. Qu'est-ce qui nous facilite la vie ou non? Exactement. Complètement. Et donc, pour revenir à vous, à quel type de communication est-ce que vous vous intéressez ? Alors moi, depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement à un type de communication qu'on appelle la communication multimodale. D'accord. Qui est un nouveau champ d'étude, en tout cas chez l'animal. Enfin, c'est pas nouveau dans le sens... Il y a différents types de communication multimodale. Les éthologues se sont longtemps intéressés aux signaux qui comportaient, aux signaux de communication qui étaient émis dans une ou deux ou trois modalités différentes, comme par exemple tactile, olfactive et acoustique. Et ça, il peut y avoir un même signal qui peut avoir ces trois caractéristiques ? Eh bien oui. Par exemple, nous, quand on parle, nos lèvres bougent, donc ça a une composante visuelle. Okay. Et en même temps, ça a une composante sonore audible que vous pouvez entendre. Tout à fait. Donc voilà. Et la majorité des signaux sont en fait multimodaux. Et dans la théorie de l'information, on considère que la multimodalité, le fait qu'il y ait plusieurs modalités pour un même signal, permettent de mieux le détecter. Par exemple, quand une modalité n'est pas présente, on peut se reposer sur l'autre. On peut dire que s'il y a du bruit, ou si par exemple j'étais sourde, je pourrais lire sur les lèvres le message que Exactement. L'on veut faire passer. C'est ça. Une autre forme de multimodalité à laquelle je m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la combinaison de différents signaux, qui ne sont pas, donc ce n'est pas le même signal. D'accord. Mais par exemple, quand je parle, je fais également des gestes avec mes mains. Et ça, c'est une multimodalité qui est comportementale, en fait. Je combine moi-même, je décide de combiner des signaux d'une modalité avec des signaux d'une autre modalité. Et ça, les animaux le font aussi. D'accord. Et c'est ce champ-là qui est particulièrement nouveau et on s'interroge pour le moment sur est-ce que c'est redondant du coup, est-ce que ça peut favoriser la détectabilité à nouveau, ou est-ce que c'est complémentaire et que ce ne sont pas les mêmes informations, le même sens qui est véhiculé dans les différentes modalités. Et est-ce qu'il y a moyen de savoir si par exemple faire des gestes avec les mains, ça va renforcer ce que l'on dit avec la voix ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a moyen que ces signaux se renforce qui... Oui. Ouais, oui, oui. Alors, chez l'humain, c'est un peu plus étudié que chez les animaux. Et du coup, on a quand même pas mal d'études qui montrent que les gestes co-verbaux sont en rythme, en fait, avec le langage parlé, avec la parole, et permettent notamment d'avoir des fonctions d'emphase pour souligner les moments importants du discours. D'accord. Et donc, ils ont ce qu'on appelle une fonction prosodique, qui est du coup non verbale, et qui est purement visuelle. Donc la prosodie, c'est quelque chose qui va aller dans le sens d'accentuer ce qui est dit, mais qui n'est pas vocal. Alors, la prosodie peut être vocale aussi. D'accord. Initialement, elle était étudiée comme étant vocale, et donc la prosodie, en fait, c'est tout ce qui est au-delà, toute la musicalité en fait du langage, qui est au-delà de la syllabe. D'accord. Donc les intonations, par exemple. Voilà. D'accord. Les intonations. Bah, quand je vous dis voilà, typiquement, c'est prosodique. Et ça, l'idée, c'est vraiment de transmettre un peu l'intention, j'imagine, de celui qui parle. Cette fameuse prosodie, c'est outre la valeur des mots qu'on emploie, c'est plus l'intention ou... Exactement. Ouais, alors, ça, en fait, tout, c'est là où c'est le langage est un comportement fascinant, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui s'y passent. Il n'y a pas que le message qui est encodé par les mots. Et effectivement, l'intention qui est derrière, ou le fait que ça soit par exemple une question ou une affirmation, est souvent quelque chose qu'on extrait non pas de l'ensemble des mots qui sont dits, mais de l'intonation du locuteur ou du contexte dans lequel la phrase est produite. Et du coup, là, c'est le champ qu'on appelle la pragmatique. D'accord. Dans l'étude du langage, et qui prend en compte du coup tout le contexte dans lequel on utilise le langage. Et cette idée de l'intention, elle est particulièrement intéressante, puisque c'est ce qu'on appelle du coup les actes de langage, c'est-à-dire D'accord. qu'est-ce qu'il y a en dessous, en fait, de ce qui est formulé au niveau sémantique. Et ça, on peut l'étudier également chez l'animal. Ce qui est assez fascinant. Alors, pour revenir au langage, donc on l'a vu dans la chronique, avec les exemples des trois décennies où il y a eu toutes ces expériences avec des singes enculturés. Le langage, c'est quelque chose qui a suscité beaucoup d'intérêt, motivé beaucoup d'équipes de recherche avec des résultats, on l'a vu parfois, critiquables. Alors aujourd'hui, je voudrais savoir comment est-ce qu'on définit le langage ? Qu'est-ce qui fait que ce qu'on va observer chez les animaux rentre dans la catégorie du langage ou non ? Est-ce qu'il y a une définition ou est-ce que personne n'est d'accord ? Eh ben, en gros, personne n'est d'accord. D'accord, bon. Mais il y a quand même plein de définitions, du coup. Donc voilà, donc, effectivement, il n'y a pas de consensus sur la définition de ce qu'on appelle langage aujourd'hui. Et encore, il y a quelques jours en réunion, nous n'étions pas d'accord entre nous. Pourtant, on travaille ensemble. Même dans, au sein des mêmes équipes. Au sein des mêmes équipes. Donc c'est toujours voilà. une question donc, c'est, brûlante. C'est, voilà, c'est toujours une question compliquée. Et je pense que du coup, vous m'avez, ce que vous avez présenté sur, les, sur toutes ces recherches qui ont été faites sur le, avec les grands sages enculturés, là, sur l'approche de, cette approche-là de, des origines du langage, ça consistait à s'interroger sur est-ce qu'une autre espèce que la nôtre est capable de produire un langage similaire, mais le langage tel que nous, on l'utilise. C'est ça, vraiment d'un point de vue humain. Quoi. Voilà, donc c'était très anthropocentré comme point de départ. Et en fait, bon, vous avez bien résumé toutes les études, du coup, je vais passer à autre chose. En fait, aujourd'hui, on a une nouvelle approche. D'accord. Suite au projet de Nim Chimpsky, là, ça n'a, qui n'a pas marché, en tout cas, qui a été interprété comme tel par, par Thérèse. Et du coup, aujourd'hui, on cherche plus à étudier le langage comme un tout tel qu'il est pratiqué et utilisé chez les humains, mais en fait, on s'intéresse à toutes les composantes qui constituent le langage et qui permettent au langage d'exister. Donc, c'est une approche qui est modulaire, on va dire. Et du coup, on va s'intéresser aux différents modules du langage et on va regarder pour chacun des modules si ces modules sont présents chez d'autres espèces. D'accord. Et là, la réponse est massivement oui. D'accord. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, dans le langage, on peut s'intéresser, on peut travailler sur la syntaxe. C'est-à-dire l'ensemble, voilà, l'ensemble des règles qui régit l'agencement des mots entre eux. Et bien ça, on peut regarder dans les chants d'oiseaux, par exemple, si on retrouve une syntaxe, des règles qui régissent l'agencement des motifs de chants. Pareil, l'intentionnalité, quand je vous parle, je maîtrise, enfin je décide de vous parler et je choisis mes mots. Donc c'est cette fonction, enfin cette capacité d'intentionnalité, elle sous-tend l'usage du langage humain. Et on peut l'étudier également dans la communication animale, pour savoir si les animaux ont et la même capacité d'intentionnalité pour décider de leur vocalisation ou de leur geste. Mais ça, par exemple, quand on regarde un message vocal, par exemple, comment est-ce qu'on peut être certain qu'il est bien adressé à l'animal qui le reçoit ? Pour l'instant, on n'en est pas certain. Alors, justement, sur les vocalisations, c'est beaucoup moins facile que sur d'autres signaux, comme par exemple les signaux gestuels, qui D'accord. sont plus facilement, on peut plus facilement, je veux dire, identifier le destinataire spécifique. Ouais. Voilà, c'est plus dirigé. Cela dit, ça ne veut pas dire que les vocalisations ne sont pas dirigées, puisque nous, on n'est pas dans la tête des animaux qui les reçoivent. Complètement. Donc, ils peuvent très bien se sentir visés. Et j'ai un collègue, justement, qui est en train de monter une expérience pour tester cette question. Donc, on aura bientôt la réponse, ah je bah, l'espère. Super. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dévoiler aucun des résultats, puisque c'est en cours. Voilà. Mais d'accord. Donc, au niveau de... Donc... Chez les animaux, on peut aussi bien donc tester la syntaxe, l'agencement des mots, l'intentionnalité. Est-ce qu'il y a encore d'autres parties qu'on retrouve dans le langage humain qu'on peut tester comme ça chez d'autres espèces animales ? Mais en fait, on peut tout tester, enfin, on peut tout chercher chez d'autres espèces. Donc, ça me fait revenir sur comment je définis le langage dans mes études. Du coup, moi, j'ai pris une définition qui n'était pas uniquement humaine, mais qui est quand même assez exigeante. Et du coup, pour moi, il y a langage à partir du moment où il y a ce qu'on appelle la double articulation, c'est-à-dire un agencement de petites unités discrètes, séparées les unes des autres, comme un alphabet, qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas de signification, et qu'on assemble pour donner du sens. D'accord. Donc, cette capacité de double articulation, elle est présente dans toutes les langues naturelles, et on peut s'interroger, on peut la chercher, du coup, dans la communication animale. Pour l'instant, on a effectivement des études qui travaillent là-dessus, mais c'est vraiment un champ de recherche qui est très récent, cette approche modulaire. Et on n'a pas commencé par ça. Bah oui. Donc, on n'a pas énormément d'avancées. Mais vous avez quand même des études, par exemple, sur les vocalisations des primates, qui montrent qu'il y a des agencements de motifs de vocalisation qui vont modifier... du coup, le sens du message. Ouais, du message. Ils vont associer des cris différents pour créer un nouveau signal, finalement. Oui, exactement. Okay. Donc ça, c'est un des exemples où on combine alors, des unités discrètes et où le sens de l'ensemble est différent du sens des mots individuels. Tout à fait. Vous avez la même chose au niveau infrasémantique, c'est-à-dire dans la composition même du message. Et ça, c'est une des recherches que je mène et dont je pourrais peut-être vous reparler, où on cherche en fait des règles qui régissent l'enchaînement des motifs, soit vocaux, soit gestuels. Parce qu'il peut y avoir des enchaînements de gestes qui auraient aussi une signification différente que les gestes tout seuls. Ça, c'est possible ? Alors, vous avez des enchaînements de gestes. En fait, l'étude qu'on est en train de mener, c'est de décomposer en fait des séquences de gestes en unités insécables, c'est-à-dire les plus petites possibles. D'accord. Et en faisant ça, on se retrouve avec un alphabet gestuel, on va dire, pour faire comme une métaphore. Ouais, hein. Tout à fait. et en fait, on s'interroge à la manière dont s'enchaînent ces syllabes gestuelles entre elles. Et là, effectivement, oui, on a des probabilités qui sont de transition d'une syllabe à l'autre qui sont pas aléatoires et qui sont sous certaines contraintes imposées. Probablement mécanique, hein, mais pas uniquement. Voilà. Donc c'est un des objets des recherches en cours. Et du coup là, donc on a plein de morceaux que l'on peut assembler pour essayer de définir le langage. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui serait unique à l'humain qu'on n'a pas retrouvé chez d'autres espèces ? Qu'est-ce qui serait vraiment la particularité du langage qu'on ne retrouve pas ailleurs, si elle existe ? Alors pour le moment. On va dire la caractéristique des langues humaines qui est souvent pointée pour répondre à cette question, c'est la récursivité. Donc c'est notre capacité qu'on utilise pas mal, hein, à emboîter des phrases dans des phrases. D'accord. Donc cette capacité-là, effectivement, on la retrouve dans presque toutes les langues humaines. Mais cela dit, même si on a cette capacité qui est considérée comme infinie, en fait notre mémoire de travail ne peut pas processer beaucoup d'emboîtement. On peut pas non plus, oui. On peut pas, mais... voilà. Donc, en fait, rapidement, on est saturé et on est vite limité. Et cette capacité-là, du coup, elle n'est pas retrouvée. Enfin, pour l'instant, à ma connaissance, elle n'a pas été démontrée dans d'autres systèmes de communication animaux. Cela dit, on peut aussi la chercher ailleurs que dans des systèmes de communication. Et donc, je crois que c'est l'objet de certaines recherches en psychologie cognitive comparée, où ils cherchent, du coup, les chercheurs, en fait, les collègues, essayent de montrer que les animaux sont capables d'emboîter des séquences de signaux dans d'autres séquences. Ah, et ça, c'est une capacité cognitive qu'on retrouve chez certains singes, par exemple. Donc voilà, c'est des champs. En fait, c'est vraiment un champ de recherche en plein essor. Donc il y a énormément de questions qui sont toujours sans réponse. Et puis c'est vrai que l'on se pose la question tout à l'heure du système dans lequel on se place, parce que le langage articulé tel qu'on l'a beaucoup étudié avant, c'était vraiment très centré sur l'humain. Et finalement, on peut se rendre compte aujourd'hui qu'il y a des systèmes de communication animaux qui peuvent être très précis et très compliqués, mais très différents des nôtres finalement. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est vrai que bon, quand on compare les chants des baleines ou autres, finalement, il y a peut-être des informations que nous, on n'arrive pas à percevoir, mais c'est très différent de ce que nous, on peut produire. Donc, la question reste ouverte, j'imagine. Oui, c'est pour ça qu'on fait de la recherche de ça. C'est ça, c'est qu'il y a matière. Et au niveau de l'apprentissage de la parole, donc par exemple chez l'enfant humain, est-ce que déjà ça, on maîtrise ? Est-ce qu'on sait déjà comment est-ce qu'un enfant humain apprend à parler ? Alors, on maîtrise, je pense que... Enfin, si je disais oui, je ne serais pas chercheuse. Mais donc, non, on ne maîtrise pas du tout. Mais par contre, on a beaucoup plus de billes que sur les animaux. En fait, l'espèce humaine est quand même beaucoup plus étudiée. Et sur cette capacité-là, qui est tellement centrale dans nos vies, bien sûr qu'on a des... On sait quelques trucs. Donc, par exemple... il se passe plein de choses, par exemple, chez l'enfant, lors de la première année. D'accord. Durant la première année de vie. Et en fait, on sait dès 2 mois que les enfants sont très sensibles à la temporalité du discours de leur mère. D'accord. Et finalement, les enfants rentrent dans le langage par quelque chose qui n'est pas langagier, mais qui est social, qui est l'échange, les tours de parole dans la communication. Le fait de laisser l'autre parler, finir sa phrase, etc. Exactement. De ne pas couper. Et donc, c'est cette manière de prendre son tour dans la conversation et appris par l'enfant dès les premiers mois de la vie. Donc avant même de parler finalement. Bien avant de parler. Et en fait, au début, il imite en fait tout simplement la temporalité de sa mère. Donc il prend les mêmes écarts, les mêmes intervalles, on va dire, de temps entre les prises de parole. Et on voit à un moment du développement, quand... l'hypothèse, c'est quand l'enfant commence à traiter les mots pour leur valeur sémantique, c'est-à-dire pour leur signification, que ça ralentit. D'accord. Et oui. Donc apprendre les mots, ça... Cerveau saturé. Bah oui, c'est ça. Ça demande tellement d'énergie qu'ils peuvent plus faire autre chose. Et du coup, voilà, là, il y a un ralentissement. Et ça, pendant quelques mois, voire même années, au cours du développement de l'enfant, là, on observe du coup des tours de parole qui sont plus longs chez les enfants. Enfin, l'intervalle entre deux tours de parole est plus long chez l'enfant. Et avant de retrouver un pattern, une temporalité adulte un peu plus tard. Mais ça veut dire qu'il y a un temps de silence quand vous dites plus long? C'est-à-dire qu'il... Il met un certain temps avant de comprendre que c'est son tour de parler ou comment ça se passe ? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, quand on étudie les tours de parole dans les conversations, on s'intéresse à la durée du tour, donc le temps qu'un locuteur met pour parler. Et ensuite, on s'intéresse au gap temporel, au silence qui sépare ce premier locuteur et son interlocuteur qui va prendre la parole. Et ça, en fait, on le retrouve dans toutes les langues humaines, dans toutes les cultures humaines, cet intervalle de temps entre les deux tours de parole. Il a une durée chez l'adulte qui varie selon les cultures, mais qui est vraiment très très courte. C'est de l'ordre de 250 millisecondes. Ah oui, en effet. Voilà. Et les enfants font pareil au début. Et petit à petit, comme je vous disais tout à l'heure, au moment du développement où ils commencent à vraiment traiter les mots pour ce qu'ils sont, ça ralentit. Et là, l'hypothèse pour le moment qui est retenue, c'est le fait que ça fait une interférence, tout simplement, puisque ça demande du coup de décoder ce qui a été dit, de planifier une réponse, et ça, c'est beaucoup plus long, en fait, et ensuite de se lancer. Voilà. Et donc, on estime que le fait de décoder la valeur des mots, ça apparaît à partir de quel âge chez l'enfant humain ? Alors, je pourrais pas vous dire exactement si c'est ça qui se passe. J'imagine que ça varie aussi, et puis d'un enfant à l'autre, il doit y avoir aussi des variétés. Oui, alors là, vous avez une grande, grande variabilité interindividuelle dans le développement des enfants, là, il n'y a pas de doute. Mais sur cette question précise, en fait, les études dont je vous parle, là, elles montrent que ce ralentissement, il survient vers 9 mois. D'accord. 9 mois, c'est aussi le moment où il y a énormément de changements dans la cognition de l'enfant, la cognition sociale, et notamment sur sa capacité à comprendre l'autre comme un agent intentionnel, à rentrer dans tout ce qu'on appelle dans tous les phénomènes d'attention conjointe avec le parent, en fait, où l'enfant arrive à se focaliser sur un objet extérieur de l'environnement et à attirer l'attention de son parent sur cet objet extérieur. Et donc, toute cette phase, en fait, des 9 mois, là, elle est assez critique. Elle a été d'ailleurs considérée comme une révolution des 9 mois par Michael Tomasello. Donc voilà, c'est un moment du développement où il se passe plein de choses. Donc, je ne pourrais pas vous assurer que c'est exactement lié à la sémantique, mais c'est l'hypothèse. Et ce type de développement-là, avec justement cette acquisition des tours de parole avant d'aller plus loin dans la compréhension des mots, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable chez d'autres espèces animales ou pas du tout ? Alors oui, tout à fait. Les tours de parole sont un schéma en fait, de communication qui est très très répandu chez plein d'espèces animales et notamment chez les singes. Là, on a, chez toutes les espèces du Nouveau Monde, de l'Ancien Monde, des grands singes, des petits singes, on a des exemples, en fait, de tours de parole chez toutes ces espèces. Donc oui, c'est étudié chez d'autres animaux. Et alors, par contre, ce n'est pas exactement les mêmes temporalités. Oui, bien sûr. Mais la structure, la structure sociale des règles de conversation est la même. Sont les mêmes. Ouais. On attend que l'autre ait fini avant de s'exprimer. On vous laisse chantonner, meumeumer et babiller le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Thank you. C'était Concrete and Glass, extrait de l'album du même nom de Nicolas Godin. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Marie Bourjade, docteur en éthologie, maître de conférence en psychologie au sein de l'UMR Cognition, Langue, Langage, Ergonomie de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Elle travaille sur les origines du langage chez les primates, singes et humains. Alors, avant la coupure musicale, on parlait des tours de parole qui intervenaient assez tôt dans l'apprentissage du langage. Mais qu'en est-il des autres étapes pour apprendre le langage chez l'enfant humain ? Oui, alors ce que je disais effectivement, c'est que l'enfant perçoit dès très très tôt la capacité, enfin les règles conversationnelles, on va dire, de la prise de parole. Cela dit, il ne fait pas que ça. Il s'entraîne également à vocaliser dans son coin, bien tranquillement. Et donc dès le début, en fait, dès la naissance, il gazouille et on a rapidement apparaît ce qu'on appelle les babillages, c'est-à-dire la formation des premières syllabes. Il y a une association voyelle-consonne. Et donc, ces babillages, en fait, sont en général repris en chœur par les parents. D'accord. Donc, ça renforce, renforce le babillage jusqu'à la formation des premiers mots qui sont souvent des mots où les syllabes se répètent comme maman, mama, papa, etc. Et ça aussi, c'est fort renforcé en général par les parents qui entendent et du coup viennent déposer du sens et de l'intérêt sur ces premiers babillages. Donc on va dire que c'est la formation des premiers mots. Mais entre-temps, entre ce babillage un petit peu exploratoire et les premiers mots, l'enfant développe des gestes intentionnels et conventionnels. Donc par exemple, le premier, le plus visible, c'est le geste de pointage. Donc, vers 10 mois. Tendre le doigt et montrer quelque chose. Voilà, tendre le doigt pour montrer quelque chose. Donc ça, en général, les parents, ils sont aussi très sensibles. Et dans la même phase, peut-être très rapidement après, en fait, ils développent des gestes conventionnels, comme par exemple le fait de dire non avec la tête, ou le fait d'agiter la main pour dire bonjour ou au revoir. Et ça, ces gestes conventionnels, ils sont propres à toutes les cultures humaines, ou est-ce qu'ils sont spécifiques ? Alors, les gestes conventionnels existent dans toutes les cultures, d'accord, mais le sens de chaque geste est spécifique à la culture. D'accord. Est-ce que justement, le fait de bouger la tête de gauche à droite pour dire non, comme nous on le fait en Europe, c'est une question naïve, je ne sais pas si c'est courant, le cas partout. C'est courant, mais ce n'est pas international. Ce n'est pas le cas partout, d'accord. Il faut faire bien attention aussi à son utilisation. Mais c'est très courant, mais malgré tout, ça ne marche pas dans tous les pays. Et donc, ces babillages et ces gestes vont aller dans le sens du développement du langage. Tout à fait. Donc, petit à petit, en fait, juste après les gestes, l'enfant commence à associer. Donc, il y a ces babillages qui forment les premiers mots, comme je disais tout à l'heure, assez répétés. Il va les associer avec les gestes et on va avoir une phase entre 12 mois et 16 mois qu'on appelle la phase qui est vraiment multimodale, où en fait, l'enfant va faire ses premières phrases en combinant des gestes conventionnels ou des pointages et les premiers mots appris. Donc, il y a vraiment l'idée que le vocal est difficilement séparable du gestuel. Les deux sont très liés. Ouais, depuis qu'on a commencé à regarder le langage de manière multimodale, en fait, on s'aperçoit que c'est juste impossible de les dissocier. malgré tout, même si ça a été longtemps dissocié dans les études, ça fait vraiment sens de raccrocher tous ces morceaux ensemble. Parce que donc, les hypothèses qui étaient en vogue, c'était vraiment qu'il y avait soit que du gestuel, soit que du vocal. Mais c'est plutôt récent qu'on se dise que les deux sont vraiment très liés. Alors, dans les... oui, donc sur les hypothèses des origines du langage, effectivement, pendant très longtemps, on a eu un fort débat, et d'ailleurs qui est toujours assez vif, hein, sur le fait de savoir si le langage humain provenait plus des vocalisations de nos ancêtres ou plus des gestes de nos ancêtres. Et en fait, c'est... aucune des deux hypothèses n'arrive à combiner, à fournir une réponse qui explique l'autre modalité. Et ni pourquoi le langage est multimodal aujourd'hui. Et donc finalement, depuis quelques années, mais c'est très récent, hein, depuis une dizaine d'années à peu près, on s'intéresse à une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse des origines multimodales du langage, où en fait, dès le début, on considère que les deux modalités étaient présentes. Et... c'est possible que ça solutionne le problème. En tout cas, théoriquement, ouais. Ça semble pouvoir le solutionner. Cela dit, ça, c'est toujours autant un puzzle compliqué quand on regarde ce qui se passe chez les grands singes et chez les petits singes, de savoir comment on arrive à combiner ce en quoi les singes sont forts sur les vocalisations et ce en quoi ils sont forts sur les gestes, et en fait, ce qui sont des compétences complètement différentes. Par exemple, on retrouve facilement de la syntaxe ou des structures plus linguistiques, on va dire, dans les vocalisations. Donc des enchaînements de mots, voilà. Qui sont vraiment très normés. En revanche, les vocalisations des primates sont beaucoup plus rigides ou stéréotypées, moins flexibles que les gestes. D'accord. Et donc moins soumis à un contrôle intentionnel et volontaire. Donc voilà, en fonction des modalités, on va plutôt avoir tendance à dire « Ah oui, mais le langage, il vient des gestes parce que c'est intentionnel et c'est flexible. » Voilà, ou alors non, il vient des vocalisations parce qu'on a de la combinatorialité et on peut modifier le sens d'une vocalisation en rajoutant un morceau. Bon, ben en fait, c'est probablement les deux. Ça, et donc la question, voilà, la question, c'est comment chez nos ancêtres humains, ça s'est imbriqué à un moment pour devenir à la fois multimodal et comprendre en fait tout le maximum de traits caractéristiques du langage. Donc c'est à ça que je m'intéresse depuis quelques temps. Alors, parce que là, comme on le disait, c'est une question très compliquée, un puzzle avec plein de morceaux. Alors la question qui forcément me brûle les lèvres, c'est comment est-ce qu'on teste ça concrètement avec des animaux? Comment est-ce que vous y prenez pour étudier ce genre de questions? Alors bon, il y a plusieurs... la manière que j'ai choisi d'utiliser, hein, c'est l'approche comparative. C'est-à-dire qui consiste en fait à étudier un ou plusieurs traits, un ensemble de traits du langage, chez plusieurs espèces en parallèle. Et notamment en m'intéressant à... en comparant les trajectoires de développement. C'est-à-dire en regardant chez les petits comment les différentes espèces apprennent, acquièrent en fait ces compétences langagières ou communicationnel. Dans la mesure où c'est quand même, chez l'humain en tout cas, c'est quand même un système de communication entièrement appris. Et en fait, on s'aperçoit chez les autres espèces que même si, par exemple, les vocalisations qui sont phylogénétiquement déterminées, qui sont bien prédisposées, elles sont certes prédisposées, mais le jeune doit quand même apprendre à savoir quand les utiliser, dans quel contexte, vers qui, comment, etc. Donc en fait, même si le comportement est, on va dire, génétiquement déterminé, la manière de l'utiliser, son usage, lui, ne l'est pas et il doit être appris aussi. Il y a tout un travail pour justement maîtriser ça. Voilà. Et du coup, on peut regarder... donc moi, l'approche que j'ai choisie, en fait, c'est de regarder des jeunes primates, de babouins, de chimpanzés, d'enfants humains, dans différentes cultures, différents groupes, différents environnements, et de regarder comment ils s'expriment envers leur mère pendant les premiers mois de la vie. Donc, d'accord. Je travaille sur des tout jeunes qui ont entre 4 mois et 18 mois, grand maximum. D'accord. Et donc, comment ça se passe? Vous filmez toutes les interactions entre la mère et le petit? Vous regardez les échanges gestuels, vocaux, etc.? Alors, il y a plusieurs approches, mais effectivement, la première approche, c'est celle-là, l'approche observationnelle. On a besoin, en fait, de quantifier l'usage des différentes modalités que le jeune utilise en fonction du contexte de communication et notamment, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est en fonction de l'attention de sa mère. Et donc, oui, je filme, j'enregistre avec un micro et je code. Alors, je ne fais pas ça toute seule, hein, bien sûr. C'est le travail, j'imagine. Oui, oui, c'est un travail d'équipe. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, je fais ça actuellement sur des babouins sauvages, des chimpanzés sauvages. Et on a du coup différentes études chez l'humain. En France, on a des corpus qui viennent d'autres pays occidentaux, des corpus et d'autres corpus aussi en Afrique. Et par exemple, est-ce qu'on voit chez les jeunes babouins, par exemple, un moment où ils passent plus d'une modalité à l'autre? Est-ce que quand ils sont tout petits, ils sont plus vocaux et deviennent plus dans le gestuel plus tard? Et cette question de l'attention de la mère, c'est vrai que ça m'intéressait assez. Est-ce que là aussi, en fait, on voit qu'ils s'adaptent selon si la mère peut les voir ou non, ou les entendre ou non? Alors, c'est exactement ma question de recherche. Mais du coup, je ne peux pas vous donner la réponse encore parce qu'on ne l'a pas. On y travaille, mais du coup, il faut falloir un petit peu de patience. Vous reviendrez, c'est pas voilà, grave. C'est ça, avec plaisir. Mais par contre, les jeunes babouins sont beaucoup plus vocaux que ceux à quoi je m'attendais. Là, c'était un peu une surprise. Et en particulier, dans certains contextes de frustration maternelle, notamment au moment du sevrage. Donc la mère les repousse parce qu'elle n'a plus de lait ou elle veut... Enfin... Ouais, alors je ne sais pas si elle n'a plus de lait, mais en tout cas, elle ne veut plus. Voilà. Elle dit stop, clairement. Et c'est assez clair pour tout le monde, à la fois pour l'observateur humain et pour le jeune babouin. Et donc là, voilà, dans ces cas-là, ils réagissent de manière très, très vocale. Et ils sont capables de sortir tout leur répertoire vocal d'affilée et de combiner ça différemment, et voire même, ce que j'ai entendu aussi, des espèces de mix de plusieurs vocalisations, donc qui sous-tendraient et qu'il y a plus de flexibilité que ce qu'on pense. Et voilà, donc ça, c'est un des moments qui me semble être critique dans le développement communicationnel du jeune babouin, et sur lequel je vais du coup me concentrer dans les mois et années à venir. Mais alors là, on parle donc sur le terrain, vous êtes avec des babouins sauvages, qui j'imagine ont été un petit peu habitués quand même à la présence d'observateurs humains, sinon ce serait difficile de les approcher. Mais est-ce que c'est pas difficile de suivre les animaux? Ils acceptent votre proximité? Alors en fait, oui, effectivement, ils ont été fort bien habitués, puisque c'est une troupe qui est observée depuis plus de 40 ans. D'accord. Et donc, c'est donc une collègue américaine, Shirley Stroom, qui a monté ce site de terrain au Kenya. Et du coup, elle a habitué les premiers individus de la troupe. Et elle a maintenant une équipe d'observateurs qui observe tous les jours. Ce qui veut dire, en fait, ce qui implique que les jeunes babouins, lorsqu'ils naissent, voient dès le premier jour de leur vie et tous les jours qui suivre un humain planté au milieu de la troupe. Et donc, en fait, ils sont hyper complètement habitués à notre présence. Et en fait, ils n'interagissent pas avec nous, mais on ne les gêne pas, en fait. D'accord. Voilà, on est comme un arbre dans le paysage. C'est vraiment, voilà, c'est un peu l'image que j'ai de la chose. Et donc, les babouins comme sujet d'étude, c'est, j'imagine, parce que là, il y a le côté, entre guillemets, facile de la troupe qui est habituée à l'humain. Mais est-ce que cette espèce-là, en particulier, était vraiment idéale pour étudier vos questions? Alors, c'est un modèle d'étude qui est intéressant pour plein d'aspects, en fait, le babouin. Déjà parce qu'il a été fort étudié. Il y a énormément d'études sur les vocalisations dans les études passées et sur le terrain. Il y a aussi pas mal d'études sur les gestes. Et comme je m'intéresse à la multimodalité, c'était nécessaire d'avoir les deux. On a également pas mal d'études sur la latéralité. On sait que les babouins sont droitiers au niveau de la population pour tout plein de gestes communicatifs, ce qui fait penser aux études chez l'humain. Et donc, on a, en fait, il y a aussi un autre avantage du babouin par rapport, par exemple, au chimpanzé, qui est souvent pris comme référence dans les études comparatives. C'est que le babouin habite un milieu ouvert. Donc c'est alors que le chimpanzé est plutôt forestier, ouais, en fait. Et on pense que ce milieu ouvert, là, qu'habitent les babouins, est beaucoup plus ressemblant au paléo-environnement, c'est-à-dire à l'environnement de nos ancêtres humains, que la forêt, en fait. Et du coup, bien entendu, ça affecte la communication. Je veux dire, quand on se voit de loin ou quand on se voit pas de loin, on va pas communiquer de la même manière, et ça va bien entendu affecter le type de modalité. D'où l'idée d'avoir aussi le chimpanzé dans mes études pour pouvoir comparer ces aspects-là. Et les chimpanzés seront aussi étudiés en nature, alors, sur bien terrain. Sûr, ouais. Oui. Je suis très admirative, parce que ce sont souvent des conditions quand même climatiques qui sont compliquées, il faut suivre les animaux, etc. Donc c'est quand même souvent un travail assez physique. Oui, c'est un travail un petit peu physique. Après, c'est tellement prenant. Enfin, une fois qu'on est avec les animaux, enfin, il y a c'est motivant en soi, c'est récompensant en soi. Et puis d'avoir la proximité de ces animaux-là, c'est vrai que c'est toujours assez fascinant. Alors du coup, une dernière question pour conclure. Donc vous revenez du terrain, vous avez toutes ces données-là. Quelles sont vos premières conclusions? Je sais que c'est toujours la question compliquée, parce que j'imagine que c'est encore en analyse et qu'il y a plein de choses en suspens. Mais quelles sont vos premières conclusions au niveau de ces expériences? Est-ce que vous voyez des similitudes entre babouins et enfants? Quelles sont vos premières observations? Alors oui, effectivement, c'est toujours un peu compliqué parce que on espère toujours qu'en fait les données vont pas contredire nos premières intuitions, mais en fait des fois si, c'est le cas. C'est le jeu. Mais là, je pense qu'en fait, j'aimerais conclure sur une nouvelle question. En fait, je pense que là, c'est plus que ce que m'a apporté, en tout cas au stade où j'en suis dans ces études, en comparant les enfants et les babouins. C'est qu'en fait, il y a un point sur lequel je réfléchissais depuis un moment et là qui me semble de plus en plus intéressant. C'est celui de m'intéresser au lien entre le développement locomoteur et le développement communicationnel. Parce qu'en fait, en regardant les petits babouins, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout à fait capables de faire tout ce qu'ils voulaient jusqu'à ce que leur mère leur dise non. Et que là, ça se passe différemment. Mais avant ça, donc les 8 premiers mois de leur vie, ils sont capables de grimper sur leur mère tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'être pris dans les bras. Ils sont autonomes, en fait, là-dessus. D'accord. Et ils développent leur communication intentionnelle après ça. Et chez l'enfant humain, c'est l'inverse, en fait. L'enfant humain développe sa communication intentionnelle avant d'être capable de marcher. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui me semble intéressant dans les trajectoires de développement de ces espèces et qui pourrait expliquer pourquoi nous, notre espèce a tellement eu besoin de communiquer. Donc il y aurait une sorte de contrainte, en fait. Le petit babouin, il communique plus parce qu'il est moins autonome, finalement, parce qu'on lui interdit des choses, alors que ce serait l'inverse chez l'humain, ça serait ça Non, c'est plutôt l'inverse que je voulais dire, c'est-à-dire que le petit babouin étant plus indépendant, ouais, il a moins besoin de communiquer pour demander. En oui, fait, il n'a pas besoin de demander, seul. Il se débrouille tout ouais, seul. Complètement. Alors que l'enfant humain, qui est ce très qu'on appelle nidicole en éthologie, lui, il a besoin, pour satisfaire ses besoins et sa survie, de communiquer. Donc c'est vrai que l'autonomie, finalement, pourrait être très liée à la communication. C'est vrai que ça fait voilà. sens. Donc c'est, il me semble qu'il y a quelque chose à creuser. À creuser. En tout cas, merci beaucoup, Marie, d'être venue aujourd'hui nous présenter vos travaux et nous avoir éclairé sur cette épineuse question de l'origine du langage chez l'humain et les autres animaux. On reste bien sûr très attentif à vos prochaines découvertes. On finit comme d'habitude avec quelques conseils lecture. Pour finir cette émission, je voulais vous conseiller un ouvrage. Ce livre que je voulais vous présenter s'intitule « Les animaux les plus malins de la planète » de Sally Boyson et Deborah Custance, édité en français aux éditions Duno et traduit par Xavier Guénu. Le livre est malheureusement épuisé chez éditeur, mais vous avez de bonnes chances de le trouver d'occasion. Pour ma part, j'ai acheté la version originale en anglais parue chez AC Black Edition et originellement intitulée « The Smartest Animal on the Planet ». Paru en 2009, cet ouvrage de 192 pages résume les dernières grandes avancées en matière de recherche en comportement animal. Personnellement, il reste un de mes incontournables absolus. Le livre est divisé en 7 chapitres qui traitent les grandes questions habituellement étudiées en cognition aujourd'hui. L'utilisation et fabrication d'outils, la communication, l'imitation et l'apprentissage social, la capacité à se reconnaître dans le miroir, celle de dénombrer les quantités, les études liées au langage et enfin la coopération et l'altruisme. En plus de résumer clairement des études récentes, le livre est très richement illustré à l'aide de photographies pleines pages et d'illustrations qui permettent d'expliquer et synthétiser simplement les expériences menées par les scientifiques. Si quelqu'un de chez Duno nous écoute, vraiment, s'il vous plaît, rééditez-le. C'est un très bel ouvrage absolument incontournable pour qui veut découvrir les dernières avancées de la recherche et la façon dont elle est menée. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à dans 15 jours à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.